émission pour vous, les fous de la musique. Vous avez à syntoniser le 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Donc, bienvenue, chers auditeurs, en cette édition du 10 février de Mélomane. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, au menu ce soir, après nos incursions jazz et blues des deux dernières semaines, le meilleur spécial de la Saint-Valentin que vous aurez jamais entendu, mesdames et messieurs, rien de moins. Je sais qu'il y en a qui vont trouver qu'on s'y prend un peu de bonheur, mais que voulez-vous, l'émission est le mercredi soir et c'est là que ça se passe. Mais tenez-vous là pour dit, ça va valoir la peine parce que ça va être très intense. Beaucoup, beaucoup de musique pour faire des bébés au pied carré ce soir. Quelques classiques de circonstances, mais je me suis vraiment forcé pour qu'il y ait une variété assez intéressante. D'après moi, on va avoir bien du fun ce soir. Alors, c'est le temps d'ouvrir une bouteille, de prendre un bain, de relaxer et de coller votre conjoint, conjointe. La trame sonore est là pour ça. Et on n'y reste pas avec la POC. On commence ça avec de l'intensité pure pour notre spécial Saint-Valentin. Deux incontournables du genre, deux classiques de 1973, dont Barry White, qu'on écoute à l'instant, à 99.1 CFNJ. Sweeter, your tender words of love keep calling. I'm gonna love. Fiebre hay. boy. Non, non, non. De février, mesdames et messieurs, vous êtes toujours au spécial Saint-Valentin de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. On vient d'entendre le groupe belge de Chaka Chas avec la très suggestive Jungle Fever de 1971 et on était pas mal dans le même état d'esprit avec le classique de Donna Summer, Love to Love You Baby de 1975. Et je me suis abstenu de vous mettre la version longue quand même à 17 minutes. On va se garder une petite gêne. Donna Summer, qui doit son son particulier au producteur italien Giorgio Moroder, qui est en fait un des pionniers de la musique disco-électronique qui va donner naissance à une foule de styles dans les années à venir. Donc, c'est entre autres pour ça que Donna Summer se démarquait autant dans la vague déferlante, que dis-je, le tsunami du disco des années 70. Et sinon, du côté des hommes, toujours aussi chaud avec Marvin Gaye et son grand classique « Let's Get It On », une chanson qui est pas mal devenue synonyme de musique pour faire des bébés au fil des années, depuis 1973 du moins. Et Marvin Gaye qui, faut-il le rappeler, fut le roi de Motown, qui fut aussi le premier là-bas à imposer ses propres compositions. Et il a bien fait parce qu'il y aurait bien des chansons telles que celles qu'on a entendues qui n'auraient jamais vu le jour. Et tout ça amorcé par Monsieur Sensuel en personne, Barry White, toujours en 73 avec « I'm Gonna Love You Just a Little More », qui est on ne peut plus de circonstances en ce spécial Saint-Valentin. Je vous l'ai dit, c'est le temps de relaxer et s'occuper de l'être aimé au son mélomane ce soir. Plein de belles musiques à venir. Et là, on y retourne en soulignant le départ du membre fondateur du groupe Earth, Wind & Fire, Maurice White, qui est malheureusement décédé cette semaine des suites d'un long combat avec la maladie de Parkinson. En fait, il semblerait qu'il se battait avec ça depuis la fin 80 quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à vivre. Donc, un petit clin d'œil à M. White avec une pièce de circonstance, Can't Hide Love. Clin d'œil, comme on dit, de 1976, mais tout d'abord un gros classique de 71 pour Al Green au 99.1 CFNJ. Ow. You can't give what you never had. bless your soul, you can fool a few. I know the truth, not so do you. You can hide out that crowd. Betcha. Betcha. Can't hide love, can't hide love. Well, I betcha. Gotta betcha. You can't pretend there's nothing there. Girl, I look in your eyes, see you care. So why not stop trying to run and hide? You won't find out if you never try. Yeah. Oh, oh, oh, oh.

Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Spécial Saint-Valentin de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et ce, partout dans la Naudière. On était en 1986 à l'instant. En fait, on l'est toujours en ce moment même avec Kenny G qui nous pousse la sérénade avec Songbird. Kenny G qui, fait surprenant, a commencé sa carrière tout jeune, quand il était encore au secondaire quand même, dans l'orchestre de Barry White, qu'on a entendu au tout début de l'émission, le Love Unlimited Orchestra. Mais sinon, comme on disait, toujours en 86, Kiss the Prince, qu'on vient d'entendre, qui va être reprise 2 ans plus tard par The Art of Noise, qui vont avoir l'idée saugrenue d'aller chercher Tom Jones pour l'interpréter. Et ça a donné un gros succès que vous avez sûrement déjà entendu. Il y a aussi un petit clin d'œil à La Sensualité par Axel Red, gros hit de 1993 qu'on connaît tous et qui ressemble étrangement par moments à un segment particulier d'une chanson de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Vous irez voir ça si vous avez une chance, vraiment la même, c'est plus la progression harmonique, les accords, là, ça ressemble vraiment à la chanson d'Axel Red. Et sinon, 2 Québécois au nom anglophone, Martin Stevens, de son vrai nom Roger Prudhomme, avec Love is in the Air, une reprise de John Paul Young, et Feu George Thurston, alliance Boule Noire, avec le gros classique Aimé d'amour. On était en 78 pour les deux pièces. Et on retourne en musique de suite avec notre hommage à peine voilé à Kenny G et Barry White en ce spécial de la Saint-Valentin, avec justement le Love Unlimited Orchestra dont on vient de parler, avec le thème de l'amour au 99.1 CFNJ. as long as you live. Someone who loves you tender like I do, you'll never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else, no one else. You'll never find. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Another love like mine, someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. These arms are mine. They are lonely. Lonely and feeling in blue. These arms are mine. Yearning for wanting you, and if you would let them hold you, oh, how grateful I will be tender lips to hold me. Tell me when I'm right. Avec vous, partout dans la Naudière. Et sud de la Naudière pour les prochaines heures. Faible neige intermittente, un minimum de moins 10. Jeudi, des nuages, température à la baisse pour atteindre moins 13 et quelques flocons vendredi, maximum de moins 10. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, faible neige intermittente pour les prochaines heures, un minimum de moins 16. Même scénario jeudi avec moins 17 et neige pour vendredi, maximum moins 11. CFNJ. Treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me. Won't you love me? Wherever you ever go, darling, I'll be old. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal, beg and steal, just to feel, just to feel your. Just to feel, yes, just to feel your heart. I want your heart beating close to mine, so close to mine. Wherever you ever go, darling, I'll be oh so. My knees, all I ask is please, please love me. Oh, yeah. Oh, my love, my darling, I've hungered for your. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Your love, God, speed your love. say to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. chaise, je viens. Saint-Valentin de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ en ce mercredi décembre 2016. Et on continue d'avoir chaud avec Sexopolis qu'on entend en ce moment même, une musique de film composée par le français Jean-Pierre Mirouze, le tout tiré du Mariage collectif, un film érotico-dano-français de 1971. Et un français, on en a entendu un autre juste avant avec, bien sûr, Gainsbourg, accompagné de Jane Birkin en 69 pour Je t'aime, moi non plus, un disque originalement interdit aux moins de 21 ans qui a été qualifié d'obscène par le Vatican, ce qui a fini par être une des meilleures pubs pour la carrière de Gainsbourg, finalement. Et sinon, on était dans les gros classiques des années 50-60, des vraies chansons d'amour, sans arrière-pensée, ça en prend aussi. On a entendu les Platters avec Only You and You Alone, c'est le vrai titre au long, de 1955. Méga succès précédé d'un tout aussi gros hit, Unchained Melody, version Righteous Brothers de 1965, qui a été entre autres popularisé par la fameuse scène de la poterie dans le film Mon fantôme d'amour ou Ghost de 1990, Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Pas mal une des chansons d'amour les plus connues de par le monde, il faut le dire. Il y a aussi eu du Elvis avec Love Me de 1956, à ne pas confondre avec Love Me Tender, plus connu. Et bien sûr, ce cher Otis Redding avec These Arms of Mine de 1962, son tout premier 45 tours chez Stax, qui en fait la chanson qui lui a permis de se faire signer, et on comprend pourquoi. Il y a du soul là-dedans, mes amis. Et on a aussi entendu Lou Rawls avec son plus gros succès en carrière, You'll Never Find Another Love Like Mine, de 1976. Et on retourne en musique avec une autre pièce de circonstance, des années 80 cette fois-ci. On écoute un groupe suisse du nom de Yellow au 99.1 CFNG. Only fools rushing. Should be CFNJ. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 My funny Valentine.

Saint-Valentin pour vous ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ de part et d'autre de la grande région de Lanaudière. Et on a eu droit à une belle variété dans ce dernier bloc concocté avec amour. Barry DeVorzon et Perry Botkin Jr. qu'on entend en ce moment avec Nadia's Theme de 76. Et oui, une musique qui va devenir le thème des feux de l'amour pour d'innombrables années. Et juste avant, j'ai réalisé un fantasme, mesdames et messieurs, soit faire suivre du Offenbach avec Offenbach. Le Offenbach québécois, bien sûr, avec leur célèbre reprise de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf en 1980. Le tout accompagné par le Big Band de Vic Vogel, mais aussi, 100 ans plus tôt, le vrai Offenbach, le français Jacques Offenbach, avec son air tout aussi célèbre, Belle nuit, ô nuit d'amour, la barcarolle, qui nous provient de son opérette Les Contes d'Hoffmann de 1881, donc vraiment presque 100 ans pile avant, et avant l'autre Offenbach, finalement, on a entendu, c'était John Sutherland qui nous a interprété ça en 1971. Et comme on ne fait pas les choses à moitié à Mélomane, on a entendu un autre grand air d'opéra qu'on connaît tous, le Duo des fleurs, tiré de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes, un autre compositeur français. La première fois qu'on entend de l'opéra à l'émission, décidément, on va avoir exploré beaucoup de styles différents en Mélomane. On poursuit la mission Mélomane. Et c'était une version d'Anna Netrebko, la magnifique soprano, accompagnée de la mezzo-soprano Elina Garanza en 2007. Et on a aussi entendu Chet Baker avec My Funny Valentine en 1952, tiré de la comédie musicale Babes in Arms, 1937. Grover Washington, Bill Withers en 81, Just the Two of Us, Peter Tosh. Et on retourne en musique avec Wham 99.1. The silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you.

vont chavirer. It's the plumber. Plumber? I didn't call a plumber. Et un autre petit bloc coquin au spécial Saint-Valentin de Méloman au 99.1 CFNJ Radio Nord Joli. Catégorie plaisir coupable. Années 80-90, gros hit de Martine Sinclair en 85 avec Ce soir, l'amour est dans tes yeux, une chanson reprise dernièrement par Louis-Jean Cormier. Il s'était précédé d'Olivia Newton-John en 81 avec son classique Physical, une chanson qui l'a grandement aidé à s'émanciper quand même de son rôle de Sandy dans Grease, plus tôt. Et sinon, deux chansons que je suis certain que vous n'avez pas pu vous empêcher de fredonner. Oui, je l'adore, de Pauline Esther, gros hit de 1990, précédé d'un tout aussi gros hit de la francophonie, Mon mec à moi, de Patricia Cass en 88, chanteuse qui a connu un énorme succès en France et aussi au Québec dans ces années-là, et le tout amorcé par la très sensuelle, même un peu trop, Careless Whisper de Wham de 1984. En fait, crédité à Wham et George Michael au Canada, mais il s'agit officiellement du tout premier single de George Michael, version solo, qui va connaître un succès fulgurant 3 ans plus tard avec son album Faith. Et on y retourne tout de suite, si on va avoir le temps de faire le tour. On reste dans une ambiance bien salace, années 70, avec en 76, Liquid Love de Roy Ayers au 99.1 CFNJ. Thank you. quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci que é felicidade, meu amor. CFNJ. Thing he's found. If she is je sens ton corps sur mon corps. J'ai envie de te parler d'amour. Comme j'ai toujours envie de toi, je te cherche où que tu sois. Et toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ pour ce spécial Saint-Valentin de Mélomanes où on fait une overdose d'intensité charnelle, chers amis, de Viscount en 1959 qu'on entend en ce moment même avec l'intemporel Harlem Nocturne, une pièce qui a eu plusieurs incarnations, mais qui trouve pas mal sa version définitive avec les Viscounts. On a aussi entendu Mark Hamilton en 1970 avec son gros succès ici au Québec, Comme j'ai toujours envie d'aimer, qu'on connaît tous, même si c'est pas d'une justesse à tout casser, mais bon. Percy Sledge aussi, avec l'énorme When a Man Loves a Woman. Qui peut pas faire plus Saint-Valentin que ça? Une chanson de 1966 qui a été reprise plusieurs fois et qui a été encore une fois numéro 1 en 91 dans sa version par Michael Bolton, qui a eu la particularité d'être le dernier numéro 1 à se classer dans le vieux système du Billboard qui se basait sur les ventes et les rapports de diffusion radio avant de passer au SoundScan dont on sert toujours aujourd'hui. Bon, c'est un peu technique, des formations professionnelles, c'est un ancien disquaire qui vous parle, mais quand même pertinent dans la façon de compiler les ventes de disques. Sinon, on a aussi entendu un des sons les plus sexy, les plus suaves de tous les temps. On parle du saxophone de Stan Getz, qu'on a pu entendre dans Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars de 1964. Dorénavant, un standard pour la nuit des temps tiré d'un album qui a vendu une copie puis un autre, soit Getz Gilberto, qui a introduit le monde entier aux compositions particulières du Gershwin du Brésil. J'ai nommé le grand, l'hyper prolifique Antonio Carlos Jobim. En fait, c'est deux jazzmen américains, Stan Getz et le guitariste Charlie Bird, à qui on doit nous avoir fait connaître cette musique brésilienne par l'entremise de la musique de Jobim et de Luiz Bonfá, entre autres, et va en résulter dans les années 60 une vraie folie de la bossa nova où, pendant une courte période, on va tout entendre version bossa nova. Il faut aussi mentionner la magnifique voix d'Astrud Gilberto, épouse du tout aussi unique João Gilberto, qui vient lier tous les éléments de la pièce. On reparlera certainement un de ces quatre de la musique brésilienne à l'émission. Et l'émission, justement, qui arrive déjà à sa fin, en vous remerciant d'avoir été là, chers auditeurs, et en vous souhaitant une bonne Saint-Valentin prochaine. Et allez voir du côté de Facebook, Méloman Radio, ou le groupe Méloman, plus on est de fous, plus on rit. Je vous souhaite une excellente semaine d'ici à mercredi prochain, 21h, sur les ondes de CFNJ, bien sûr. On a quand même le temps de se quitter sur un bon bloc de chansons bien sirupeuses comme on les aime.

There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. CFNJ. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. You away, so I'll go. each step of the way. And I will always love you. I will always love you. Bittersweet memories. That's all I am taking with me. Goodbye. Please don't cry. We both know that I'm not what you treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love. au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie.